mesdames, messieurs, pardon posé. Bagay non pas, j'en supposé. Yon groupe jeune gens qui besoin de mes filles. Yon pas connaît qui ça pour yon dit. Ouais, yon besoin position. Y'a pas chez fait yon bonne action. Devant jeune fille, yo sans courage. Ah oui, monsieur, ça c'est la rage. Yo pas qu'on cause, yo pas qu'on parle. C'est ça qui rend yo égaré. Y'a pas marché, mais tout n'en compte. Ah oui, monsieur, ça c'est yo bon. Y'a pas marché, parle mon mal. Nan bay manti yo san rival. Yo tan pou bon chak ki gen ras. Oui mes zanmi yo gen odas. Suspende pas les mon mal. Parler mal, c'est la prière, Judaï. Parler mal, oh, parler mal, oh. Parler mal, c'est la prière, Judaï. Parler mal, c'est la prière, Judaï. Parler mal, c'est la prière, Judaï. Parler mal, oh, parler mal, oh. Parler mal, c'est la prière, Judaï. Parler mal, c'est la prière, Judaï. Parler mal, c'est la prière, Judaï. Yeah. pas qu'on parle. Yon moun qui pense que n'at pas qu'on parle ou trompe ou. Parce que de bout table à piller sous lui. Vous entendez? On s'en remonte pour vous voisine avec un blague dans la rue et c'est pas dans nous. C'est non même même lié, papa. Non même même lié. Soit papier, papier fort. Doucement, gango. Et puis, qu'est-ce que c'est inattendu? Ça les gens. Rien à prendre pas les gens. Pour nous, mais nous, pour les chiens.